tu jamais bien te perdre. C'est de tout un autre avenir te guette. Toi, tu décides doucement de vivre comme avant. Dans un monde fou, innocent, la victime, c'est toi l'enfant. Personne ne t'a rien demandé, pourtant toi tu es bien né dans un monde qui ne t'a pas désiré. Tout ce qui te reste à faire, c'est t'envoler, t'envoler. De jour en jour tu grandis, mais plus dans le même esprit. Aujourd'hui tu ne veux plus te laisser marcher dessus. Tes parents t'ont toujours dit de bien finir ta vie. Maintenant tu fais autre chose, tu te bats pour ta cause. Personne ne t'a rien demandé, pourtant toi tu es bien né dans un monde qui ne t'a pas désiré. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est t'envoler. Qu'ils ont envoyé pour les assassiner. Comme ta vie est si futile, tu as tout accepté. Tu t'accroches toujours au même fil que tu n'oses pas couper. Cette fois c'est sûr, c'est la fin pour les gens dont tu te plains. Personne ne t'a rien demandé, pourtant toi tu es bien né dans un monde qui ne t'a pas désiré.